Rocket Scientist. Thank you. Rocket Scientist, un groupe américain qui s'était illustré avec un superbe album. Rappelez-vous Brutal Architecture, Brutal Architecture, si vous vous préférez, avec l'accent parisien. Donc un album live, comme vous avez pu le reconnaître, le découvrir. Earth Below and Sky Above. La Terre dessous et le ciel tout au-dessus. Voilà Rocket Scientist. C'est aussi de la belle ouvrage, même si les vocaux sont peut-être un petit peu maladroits. Qui a suivi donc Silent Hill, alors ça c'était carrément superbe. Le groupe fortement influencé par Kansas, mais on leur pardonnera. On continue notre petite balade nord-américaine avec Glasshammer, le marteau de glace. Glasshammer, le marteau de glace, bonjour Nicolas, et qui vient de publier Unto Evermore, un superbe album. Je n'avais pas été tellement convaincu par les productions antérieures de Glasshammer. Là, c'est carrément superbe. C'est peut-être le deuxième album du mois après Salem Hill. Tout de suite sur le 100.7, Glasshammer. Ladies and gentlemen, don't drink and drive. This is Radio Caroline, the home of the British Explosion. 10% of road accidents are caused by drunken drivers. From the standard model to the automatic zigzag, there's a Novum machine for every woman. Novum is the answer to every woman's dream. Can you tell me where my country lies? Cried the uniform to his true love's eyes. He lies with me, cried Queen of Navy. For her merchandise, he traded in his prize. Paper late, cried a voice in the crowd. Who signed off all the debts? It seems he drowned. Sailing England by the pound. Citizens of hope and glory, time goes by. It's the time of your life. Easy now, sink you down, chewing through. There will be dreams, they eat without a sound. Digesting England, lying about. Young man says you are what you eat, eat well. You are, you don't give a damn. Fight. never changes. It sends a mountain high, arching upwards, ever humble, they could touch the sky. Step into the light, witness the death of life. Realize you're here for a moment. You feel you give up the fight, and you find peace of mind. Voilà, après un morceau assez exceptionnel de ce jeune groupe américain qui s'intitule, le groupe et pas le morceau, Pie Fight. Alors ça s'écrit P-Y-E, plus loin F-Y-T-E. Voilà, un album qui s'intitule, lui, The Gathering of the Crumbs, la réunion des crumbs. Voilà donc un album très très très sympathique avec force mélotron. Il y a quelques petits passages, je vous cache pas, un petit peu plus faiblards, mais bon, c'est quand même dans l'ensemble du beau travail. Donc après donc Pie Fight, eh bien nous allons passer au domaine anglais de cette deuxième partie, donc les nouveautés. Je vous rappelle que vous êtes sur le 100.7, que vous écoutez Prog à part, l'émission du rock progressif. Et nous avons ce soir des invités, le groupe Silver Lining. Nous avons eu tout à l'heure le plaisir, l'honneur et l'avantage de discuter avec Pascal Indelicato, qui est donc le claviériste et compositeur de Silver Lining, également de l'ancêtre, si on peut appeler ça, de ce groupe Indelspleen. Voici donc maintenant Nicolas Mourachko, qui est donc le guitariste, je crois. Oui, c'est ça, bonsoir à tous. Voilà, ben, je viens d'arriver juste. Je remercie Thierry de nous avoir invités. Je suis là en tant que guitariste donc du groupe Silver Lining. Vous avez entendu tout à l'heure Pascal qui vous a un petit peu expliqué l'origine du groupe. Alors Pascal, on va peut-être revenir un petit peu là-dessus brièvement. Donc l'idée que nous avons eue à cette époque-là, en 82-83, c'était de sonner un petit peu comme Kamel. C'est vrai que c'était une idée commune, hein. Voilà. Alors moi, je suis un adorateur de Kamel, qui est un groupe qui est une institution un peu dans ce monde-là, et je suis fan également de Andrew Latimer, qui est donc le guitariste. Et à l'époque, très influencé par ce groupe-là, on a essayé, non pas d'imiter Kamel, mais de reprendre plutôt cet esprit. Voilà, alors le groupe a évolué, les choses ont un petit peu changé, certains membres ont dû partir pour des raisons surtout professionnelles, et eh bien, ce groupe a eu une deuxième naissance, puisque on a créé récemment Silver Lining. Alors, pourquoi un nom anglais?